Oh, la prochaine émission, c'est une présentation de MMAnouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, c'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMAnouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMAnouvelle.com. Bonne émission. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Voix des Guerriers. On a comme invité aujourd'hui Fereed Kader. Alors bonjour Monsieur Kader. Bonjour. Monsieur Kader, expliquez-nous comment ça s'est débuté pour vous, votre aventure avec les arts martiaux, parce qu'il faut savoir que vous avez déjà participé aux Jeux olympiques en judo. Alors j'imagine que vous avez commencé les arts martiaux par le judo? Exactement. Donc j'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans. Donc, j'ai tout de suite accroché et j'ai pratiqué dans le judo jusqu'à aux Jeux Olympiques en 2000. J'ai continué encore après les Jeux Olympiques jusqu'en 2004. Et voilà, donc j'ai pas obtenu ma sélection pour 2004 et j'ai décidé de mettre un terme au judo. Et j'ai fait la transition directe avec le MMA. Donc, j'accroche à nouveau quelque chose de totalement différent, où le combat a été total et ça me convenait bien. Donc, depuis, je n'ai pas arrêté. Et est-ce que, à ce jour, est-ce que votre plus bel accomplissement, c'est, dans le domaine sportif, là, est-ce que c'est le fait d'avoir participé aux Olympiques, aux Jeux de l'an 2000 et d'avoir terminé, je pense, en 7e position? Non, pas vraiment. C'est sûr que les Jeux Olympiques, ça représente un rêve sportif. Donc, c'est vrai que ça reste un grand moment, cette sélection, cette compétition. Mais j'ai de très bons souvenirs de tous mes rendez-vous internationaux où j'ai pu briller, les différentes Coupes du Monde, notamment au tournoi de Paris que j'ai remporté deux fois, les Coupes du Monde en Allemagne, donc que j'ai aussi remporté deux fois, et les championnats universitaires où j'ai été médaillé, tous les championnats d'Europe que j'ai gagné, c'est-à-dire tous les événements auxquels j'ai pu participer et où j'ai réussi à tirer l'épingle du jeu, bien ça a été toujours une très grande satisfaction. Alors c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est la cerise sur le gâteau. Malheureusement, je n'ai pas eu de médaille, mais je retiens en général mon parcours sportif et ça reste de grands moments en fait qui se sont enchaînés tout au long de ma carrière. À ce moment-là, est-ce que vous représentiez la France, Monsieur Kader, parce que je pense que vous êtes d'origine tunisienne, mais en 2000, vous représentiez quel pays? Exactement. Donc, j'ai représenté la France aux Jeux Olympiques de l'an 2000. Et ensuite, à la suite de conflits avec la Fédération française, puisque j'avais la double nationalité, mon père étant tunisien, j'ai décidé de sortir de toute cette ambiance malsaine de la Fédération française de judo pour représenter la Fédération tunisienne de judo. Bon, ça n'a pas été bien mieux. Le milieu était véreux, malheureusement, c'est ça. Le sport olympique, le sport amateur, évidemment, on trouve les mêmes choses qu'on peut retrouver dans le sport professionnel. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'argent. Et donc, c'est beaucoup plus sous-jacent parce que vu que c'est censé être de l'amateurisme. Et donc, j'étais un peu victime de tout ça et j'ai décidé en 2004 de mettre un terme à cette épopée. Donc, j'ai bien fait d'ailleurs de basculer dans le monde du MMA. Et puis, est-ce que le judo que vous aviez pratiqué depuis l'âge de 5 ans, jusqu'à quel point ça vous sert et ça vous sert encore en MMA? Comment? J'ai pas compris. L'utilité du judo que vous avez appris depuis que vous avez 5 ans, en quoi ça vous aide dans votre carrière de combattant à MMA? Est-ce que vous avez encore des réflexes de judoka ou dites-nous? Ah oui, bien sûr. Déjà, le judo m'a permis de commencer directement le MMA au niveau professionnel. Je n'ai pas eu besoin de passer par des combats de pancrage ou quelconque combat amateur. J'ai de suite commencé le combat au niveau professionnel. Bon, comme nombreux sportifs de haut niveau, que ce soit en lutte, en judo ou en boxe, font NXT, c'est-à-dire que qu'on voit des gens comme Yoshida, Tatsumoto en judo qui ont de suite combattu au Prime, ou des gens comme Dan Anderson en lutte qui ont de suite débuté avec l'UFC. Je veux dire, c'est vrai que notre passé, dans un sport majeur comme ça, on a l'habitude de s'entraîner beaucoup, on a l'habitude du challenge, de la combativité. Bon, mais c'est quand même déjà un gros avantage par rapport à, aux personnes qui débutent directement avec le MMA. Ensuite, techniquement, c'est vrai que le judo m'apporte beaucoup au niveau des projections que j'ai dû adapter, bien sûr, sans kimono, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je suis apte à quasiment pratiquer tous les mouvements de judo sans kimono, et ça, c'est vrai que c'est un régal. Il y a aussi toutes les notions d'équilibre, que ce soit debout, au sol, les soumissions, bien sûr, que j'ai développées encore grâce au jiu-jitsu. Mais bien sûr que je reste un combattant avec une base de judoka. C'est grâce à cette base de judoka, c'est grâce à toutes ces années de pratique qu'aujourd'hui je peux évoluer à ce niveau. Est-ce que vous suivez encore l'actualité qui se déroule dans le domaine du judo? Très peu. Je me suis vraiment un peu rangé à fond malheureusement. C'est vrai que c'est le sport de combat qui me plaît le plus actuellement. Je trouve que le judo est trop fade. D'ailleurs, je me demande comment j'ai pu pratiquer autant de temps le judo, parce que c'est vrai qu'il manque quelque chose. Quand on est combattant, je pense que le MMA, c'est le sport par excellence. On va jusqu'au bout. Il y a les projections, il y a les soumissions, il y a les frappes. C'est vraiment un sport complet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'accroche moins avec le judo maintenant. C'est vrai que si j'ai des amis qui prennent part à des compétitions, ben, j'essaie de suivre leur parcours. Ou bien sûr, quand il y a les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde à la télé, ben, je me fais un plaisir de regarder les événements. Avoir à choisir, là, si vous pourriez revenir dans le passé, est-ce que vous pensez que le judo est plus efficace que la lutte? En fait, si vous auriez passé tout le temps, au lieu de vous entraîner en judo, que vous l'auriez fait en la lutte, est-ce que vous seriez un meilleur combattant à l'heure actuelle? Non, je ne pense pas. Je suis vraiment très confiant avec mon bagage sportif de judoka. Je trouve que justement, le judo est un sport où on a des projections que l'on peut pratiquer grâce à nos jambes. Par exemple, comme on retrouve en lutte libre, on n'a pas besoin d'aller chercher spécialement des single legs ou des double legs où on s'expose quand même un risque à des coups de genou ou à des sprints. Là, on se retrouve souvent à terre. J'aime le judo parce que dans ma pratique de combat, je prends très peu de risques au niveau des projections. Je ne vais pas chercher à projeter le partenaire si je ne suis pas dans une bonne position. Et les techniques de judo me permettent de rester dans une position toujours très confortable. Donc je ne pense pas que ça soit des avantages d'avoir pratiqué le judo. Je pense juste qu'il fallait savoir adapter pour pouvoir le pratiquer sans kimono. Maintenant, c'est vrai que la lutte reste un sport excellent, mais il y a des techniques extraordinaires aussi et qui se pratiquent très très bien en MMA. Et par exemple, quelqu'un comme Georges Saint-Pierre le fait très bien. Oui, mais vous êtes maintenant, Monsieur Kader, je pense que votre fiche est de 14 victoires et 5 défaites, si je ne me trompe pas. Vous pouvez combattre, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Vous pouvez combattre à 155 ou bien à 170 livres. Ben, j'imagine. C'est vrai que je... Allô? Oh, désolé, Monsieur Kader, on peut continuer. Non, il n'y a aucun problème. OK. Ben, alors, vous vous attachez pas vraiment d'importance à la catégorie de poids dans laquelle vous combattez. Vous êtes à l'aise? Je me sens à l'aise aussi bien à 170 qu'à 155. C'est vrai qu'au niveau de la longe, je me retrouve toujours un peu plus désavantagé à 170 parce que le problème, c'est que les combattants adorent faire du cutting. Donc, on les voit perdre 20, 25, 30 livres. Et je me retrouve face à des adversaires qui sont beaucoup moins et beaucoup plus lourds. Bon, moi, je ne suis pas spécialement partisan de perdre beaucoup de poids comme ça. J'ai beaucoup perdu de poids pendant ma carrière de judo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que je peux éviter de le faire, je le fais. Maintenant, c'est vrai que si je signe dans une grosse organisation, mon objectif, c'est de signer à l'UFC. Vu que les sportifs font un cutting très important, eh bien, je me soumettrai aussi à ce cutting et je combattrai en 155 livres. Est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous êtes en négociation avec le UFC présentement? Pas vraiment. J'ai fait part de ce vœu de combattre à l'UFC parce que pour moi, ça représente l'organisation phare, la plus belle organisation. Et puis en plus, c'est une organisation en cage. Je me sens beaucoup mieux, plus à l'aise en cage qu'en ring parce que je peux utiliser la cage pour utiliser les cadres de judo. Et donc j'ai fait part à mes managers donc de cette volonté. Et donc je ferai tout ce qui est dans mes possibilités pour pouvoir rapidement intégrer cette organisation. Oui, ben vous avez perdu un combat pour la ME globale face à quelqu'un quand même, Daisuke Nakamura, qui est un nom quand même implanté dans le milieu du MMA. Ce combat-là qui est votre avant-dernier, est-ce que ça s'était bien déroulé? Est-ce que la décision était convenable pour vous? La décision était... C'est partagé. Dans différents sites internet, on retrouve différents avis. C'est vrai que moi, j'étais assez partagé. J'ai perdu vraiment le premier round puisque j'ai commencé un petit peu tard à rentrer dans le combat. Mais le deuxième round, je l'ai gagné. D'ailleurs, les juges m'ont donné le deuxième round. Et bizarrement, le troisième round, il a été en sa faveur alors que j'ai dominé dans les projections et dans les contrôles au sol. Et c'est vrai que avec son allonge, vu qu'il est quand même très grand pour un 155, j'ai été touché plusieurs fois avec un jab, mais il n'y a pas eu vraiment de dommage. Et c'était un match très très serré. Maintenant, je ne reviens pas sur cette décision, ça a été la décision des arbitres, mais ça a resté quand même un très bon combat, puisque de toute façon, on a été le combat de la soirée. Mentalement, dans les derniers mois, on a eu des décisions un peu controversées avec Mauricio Rua et tout. Comment qu'on fait pour revenir mentalement quand on pense qu'on a gagné vraiment en dedans de soi? Ça doit quand même être frustrant, ça doit prendre un peu de temps pour passer par-dessus, ou est-ce que vous passez automatiquement par-dessus cette barrière? On doit faire avec, disons que ça fait partie du sport. La chance qu'on a, c'est que dans un sport professionnel, on est victime d'une mauvaise décision, mais on repart, on se rentraîne et on refait le prochain combat. C'est pas comme dans un sport olympique comme le judo, où quand on perd un combat, on est éliminé des sélections et là, on reporte nos objectifs à un an ou deux ans plus tard. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de conséquences dans les défaites. Je veux dire, par exemple, comme Shogun, pour moi, il a gagné le combat. Il a perdu le titre, c'est vrai, c'est navrant, je pense qu'il méritait de gagner la ceinture, mais il va revenir, il va recombattre pour le titre de suite, et puis, malheureusement, c'est un titre de perdu, mais il va pouvoir se repréparer, il va pouvoir prouver qu'il est le meilleur. Vous avez combattu à plusieurs reprises au cours de l'année 2009. Vous venez à peine il y a quelques jours de remporter votre dernier combat. Vous avez également affronté Drew Fickett, qui est un gars avec quand même beaucoup d'expérience, qui, je pense, a déjà battu Josh Koscheck dans le passé. Est-ce que c'est l'adversaire qui vous a donné, dont vous êtes le plus fier d'avoir battu Drew Fickett, ou quel est votre combat à MMA qui vous rappelle vos plus beaux souvenirs? Disons que, comme je dis, j'apporte pas vraiment d'importance au nom de mon adversaire. C'est vrai que Drew Fickett, ça représentait un nom connu dans le milieu du MMA. Mais j'ai dominé ce combat du début à la fin, puisque j'ai gagné par encore la troisième reprise et j'ai gagné les deux premiers rounds. Maintenant, je suis aussi content de toutes mes autres performances. Je veux dire, des fois, on connaît un petit peu moins les adversaires. On connaît pas leur nom, mais on a affaire à des adversaires coriaces. Et donc, à chaque fois que j'ai fini un combat, je suis assez satisfait parce que je me dis, à ce jour, j'ai quand même 19 combats professionnels. Et personne n'est arrivé à me soumettre ou à me mettre KO. Et j'ai quasiment la plupart du temps fini mes combats, soit par des KO, soit par des soumissions. Et même mes 5 défaites par décision, ça reste vraiment de courtes défaites. Deux décisions partagées et ensuite 3 décisions vraiment, vraiment très serrées contre Paulo Thiago au Brésil, que je suis allé rencontrer alors qu'on m'a donné le combat une semaine avant. Je veux dire, Paulo Thiago aujourd'hui est un des top 10 de la catégorie welterweight. Oui. Et je pense que j'aurais pu gagner aussi ce combat, mais au Jungle Fight au Brésil, rencontrer un Brésilien, on est souvent victime d'une décision un petit peu approximative. Comme au Japon, parfois, dans les organisations japonaises, face exactement. À un Japon. Vas-y, Fred. Donc je suis pas plus fier de mon combat contre Fickett que contre celui de Paulo Thiago. Je veux dire, j'ai rencontré Paulo Thiago, j'avais uniquement à l'époque 5 ou 6 combats professionnels. Et j'ai eu le courage d'aller au Brésil le rencontrer chez lui dans une catégorie, donc 170 livres, qui est la catégorie où j'ai voulu quand je suis plus lourd. C'est quelqu'un de plus grand que moi, plus d'expérience, qui combattait chez lui. Et c'est vrai qu'en avoir fait ce combat au Brésil, dans un pays quand même où le Valetudo est important, eh bien, j'étais assez fier aussi de ce combat. Vous avez dit que personne ne vous a mis KO. Qui est celui qui a été le plus proche à vous ou qui vous a fait le plus mal parmi tous vos adversaires? Aucun. Aucun? Ah, c'est bon. Monsieur Kader, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Est-ce que je pense qu'il y a déjà un autre combat encore dans le mois de décembre, hein, si je me trompe pas? Normalement, je vais combattre le 26 décembre de nouveau au Costa Rica. Ce sera un tournoi à 4 pour une ceinture. Donc normalement, je ferai 2 combats dans la soirée. J'ai plusieurs propositions ensuite pour le mois de janvier. Donc on étudiera ça à la suite de mes 2 prochains combats. Et ensuite, j'ai aussi une proposition de combat de nouveau à Montréal. Donc pour le 27 février, pour le MFL 2. Oh là là là là, vous m'intéressez, Monsieur Kader. Est-ce que vous avez déjà, est-ce qu'on vous a mentionné quelques noms? Est-ce que, bon, Guillaume de Laurendi pourrait être un adversaire, puisque au premier MFL, votre compagnon Sébastien Gardier, celui qui s'entraîne avec vous là, à Las Vegas, ben l'a affronté, puis bon, a perdu ce combat-là, mais je pense qu'il a démontré qu'il avait beaucoup de cœur. Puis on espère qu'on va pouvoir le revoir également, Sébastien Gardier. Mais vous, qui pourrait être votre adversaire? Je ne choisis jamais mes adversaires. J'accepte habituellement tous les combats. Il faudrait vraiment que ce soit une proposition très malhonnête de la part du promoteur pour que je refuse le combat. Je ne pense pas que ce sera le cas. Donc, tout combattant sera le bienvenu, j'affronterai n'importe qui. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais combattre quelqu'un d'assez connu, parce que je pense que justement, si j'ai l'objectif d'intégrer dans une organisation comme l'UFC, il va falloir battre des noms. Et bon, ben voilà, j'aimerais qu'on me propose un combat sous des projecteurs que les gens puissent trouver intéressant et pour prouver que je suis apte à intégrer l'UFC. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous entraînez aux États-Unis? Parce que je pense que vous demeurez présentement à Las Vegas. Oui, j'ai commencé le MMA en Australie avec Hector Lombard, puisque c'était lui aussi un judoka olympien. Donc je l'avais rejoint en Australie. J'ai commencé ma première année vraiment à m'entraîner fort en Australie après avoir fait la découverte du MMA en France. Et en 2007, donc je suis venu en Californie, c'est Team Quest, l'équipe de Dan Anderson, donc, qui m'a fait venir aux USA. Donc j'ai commencé à m'entraîner en 2007 avec Dan et les autres. Et ensuite, j'ai bougé à Victorville, toujours en Californie, pour m'entraîner avec Joe Stevenson. Et depuis cette année, donc depuis le début de l'année 2009, j'ai rejoint Las Vegas, où je me suis entraîné tout d'abord avec Vanderlei Silva et à Extrême Couture. Et puis depuis l'ouverture donc du centre départ et la prise en charge de l'équipe par Sean Tompkins, j'ai décidé de suivre le coach et donc de m'entraîner à Tape Out. Et comment ça s'est terminé, cette Sean Tompkins avec Extrême Couture? Est-ce qu'il y a eu une mésentente? Pour quelle raison, Chantal? Non, je pense qu'à ce que j'ai entendu, je pense qu'il n'y a eu aucun conflit. Conflit, ça s'est vraiment fait naturellement. Je pense que Sean a toujours eu comme objectif de créer sa propre team. C'est quelqu'un de très compétent, qui a beaucoup d'expérience, qui a commencé des années en arrière à travailler au Canada avec ses gars. Ensuite, il a eu l'opportunité de travailler aux USA. C'est vrai qu'il a travaillé lui aussi à Team Quest avec Dan Anderson, puis Extrême Couture. Et je pense qu'aujourd'hui, il avait envie de faire sa propre équipe. Et le centre Tape Out à Las Vegas lui a proposé de réaliser ce rêve un peu. Et je pense que c'est pour ça qu'il a décidé de faire sa propre équipe. Je pense qu'il n'y a pas eu de mésentente. Je pense juste que ça a été des choix professionnels. Et vous, qu'est-ce qui a amélioré dans votre jeu de combattant? Bon, on imagine votre technique de projection doit être à point. Est-ce que c'est le sol dans lequel vous voudriez vous améliorer, debout? Parlez-nous un peu de ça. Partout, je néglige aucun registre du combat. Je veux dire, même si mes projections en vidéo sont bonnes, je continue à les travailler parce que les projections au sein d'un combat de MMA où il y a des frappes, des coups de genoux, rend difficile les saisies. Donc, comment pouvoir approcher l'adversaire pour pouvoir le saisir, pour pouvoir le contrôler correctement avant de le projeter. Donc, ça se travaille quotidiennement. Les frappes, bien sûr, c'était nouveau pour moi il y a quelques années. Donc, j'accentue beaucoup mon entraînement sur le stand-up parce que je veux pouvoir décider où le combat ira. Chaque fois que je combat, je veux décider si le combat va rester debout ou va aller au sol. Et je pense que ce qui fait la différence entre les meilleurs combattants et les autres, c'est quand on a la possibilité de pouvoir évoluer au sol et debout et de pouvoir être performant dans les deux registres, eh bien, on arrive à faire la différence. Parce que souvent, on trouve des combattants qui sont très forts debout et une fois au sol, ils ne sont pas bons. Et on trouve des combattants qui sont très bons au sol, qui cherchent toujours à ramener le combat au sol, et ils ne sont pas bons debout, et donc résultat des courses, quand on les garde debout, ils sont en difficulté. Donc j'accentue quand même malgré tout plus l'entraînement sur le stand-up. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui s'entraînent avec vous? Actuellement, seulement Sébastien Gardier et Bendy Casimir. Mais c'est vrai que régulièrement, je reçois des combattants français chez moi pour qu'ils puissent bénéficier des structures américaines pour pouvoir découvrir ce qu'est réellement le MMA. Parce que c'est vrai qu'en France, malheureusement, c'est encore illégal et les gens travaillent avec très peu de moyens, très peu de conditions. Et malgré tout, on arrive à trouver encore des combattants de qualité, mais qui seraient vraiment meilleurs que ça s'ils avaient la possibilité de travailler dans un milieu comme le vôtre. Est-ce que les Américains sont accueillants envers vous et Sébastien Gardier puis Bendy Casimir? Est-ce qu'ils vous reçoivent de la même manière qu'ils pourraient recevoir n'importe quelle autre personne de n'importe quelle nationalité? Oui, l'accueil est chaleureux, professionnel. C'est vrai que j'ai d'ailleurs de suite, dès que j'ai intégré Team Quest en 2007, j'ai eu un accueil très sympathique. Personne n'en a fait la différence entre les Américains et les étrangers. C'est vrai que on a des Brésiliens, on a des Canadiens, des Français. On a déjà un peu de tous les horizons et tout le monde est le bienvenu. Et il suffit d'être performant à l'entraînement, de montrer qu'on a envie de réussir et on a de suite l'attention des coachs. Et donc, le deal est simple. Il suffit de s'entraîner fort pour avoir l'attention qu'on mérite. Parlez-nous un peu des combattants de MMA dont ils ont beaucoup d'expérience en judo. Est-ce qu'il y en a un parmi eux que vous... apprécier son style plus particulièrement. Bon, au Japon, on a vu Hideko Yoshida, qui est un médaillé d'or, qui a combattu, qui a eu plus ou moins de succès, mais il y en a également d'autres. Moi, je pense souvent à Caro Parisian, qui, je pense, a peut-être le style de judo le plus adapté en MMA. Je suis d'accord. Je suis justement toujours très déçu de voir que des gens de haut niveau en judo, comme Yoshida ou Takimoto, n'est pas réussi à faire l'effort d'adapter leur judo pour pouvoir être plus performants. Ils se sont contentés de combattre leurs adversaires avec des techniques qu'ils savaient déjà faire par le passé. Bon, ils ont rajouté quelques techniques de pied-point basiques, mais ça reste des judokas. Et je pense que les gens de leur talent qui ont réussi à être champions olympiques, ça dénote quand même un potentiel énorme. Je pense qu'ils auraient pu être beaucoup plus brillants que ça. Mais ils se sont contentés de rester des judokas. Ensuite, on va dire que des gens avec un passé de judoka, aujourd'hui, on a Hector Lombard qui a réussi quand même à être un combattant complet parce que Hector est quand même un bon grappleur, il a de bonnes projections, il est bon au sol, il a un grand impound très performant et puis il a quand même un stand-up, une boxe qui ébranle pas mal d'adversaires. Donc je dirais qu'aujourd'hui, le judoka le haut niveau qui a réussi le plus à passer la barrière donc entre le judo et le MMA, c'est Hector Lombard. Et ensuite, je dirais de près, suit Akiyama, donc qui quand même a toujours réussi à faire de très bons combats. Il n'a perdu qu'une fois contre Jérôme Le Banner, donc dans un combat où la catégorie de poids était bien différente. Mais sinon, il a su quand même mettre KO Denis Tang. Il a réussi d'être très très bon combat, mais je pense quand même que il devra évoluer aux États-Unis s'il veut arriver à pouvoir être encore meilleur dans la cage de l'UFC. Oui, il y a un Japonais qui devrait faire ses débuts également. D'ailleurs, face à Hideko Yoshida, là, le 31 décembre, c'est Satoshi Ishii qui était médaillé d'or aux derniers Olympiques. Puis je trouve ça intéressant parce que souvent, les judokas qui arrivent, comme Yoshida par exemple, il était plutôt âgé lorsqu'il a fait son entrée à MMA. Mais Satoshi Ishii est dans la jeune vingtaine, tout juste, il vient de remporter une médaille d'or aux Olympiques. Puis il semble vouloir vraiment, lui, il a pris un temps pour s'adapter au MMA. Est-ce que vous avez espoir, justement, que Satoshi Ishii sera peut-être un judoka dans les poids lourds qui va pouvoir chambarder un peu l'univers des poids lourds, puis apporter un style de judo qu'on n'a pas vu beaucoup dans les poids lourds? J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec Ishii cette année, donc à Extreme Couture. Ça reste encore un judoka, mais ce que j'ai pu voir, c'est que il était avide de savoir, de connaissances. Il a demandé beaucoup autour de lui et on voit qu'il progresse beaucoup. Donc, il est allé s'entraîner à Miami à l'American Top Team. Il est allé s'entraîner avec Machida. Je pense que c'est un garçon qui a envie de réussir, qui a envie de prendre un maximum de connaissances pour pouvoir briller en MMA. Je ne doute pas qu'il sera performant parce que s'il a réussi à être champion olympique en judo, ça prouve qu'il a su s'entraîner beaucoup, être déterminé. Je pense que déjà, s'il a la détermination et la faculté à s'entraîner beaucoup, il lui suffira d'écouter et de s'adapter pour pouvoir être un bon combattant de MMA. Maintenant, si vous me demandez si Ishii sera prêt le 31 décembre, je vous dis non. Ishii, ça reste encore un judoka. Il a trop peu pratiqué le MMA pour pouvoir être le main event d'un gros show. Et comme on connaît le Japon préfère le spectacle. Le Japon ne cherche pas à avoir des combattants vraiment performants ou prêts pour combattre. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire des shows spectacles. Et donc, c'est vrai que cette affiche, Yoshida Ishii, même moi, j'ai hâte de voir le combat. Je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder le dernier combat de Manny Gamborian contre Leonard Garcia dans la WEC. Moi, j'avais été beaucoup impressionné justement à ce moment-là par Manny Gamborian. Je me disais, la puissance et tout, ça doit venir du judo justement, sa force physique ou... Oui, c'est un bon judoka qui s'entraîne avec Aro Parisien et je pense que c'est un bon choix pour lui que d'avoir fait l'effort de descendre à 145 livres parce que, comme je vous ai dit, les gens perdent beaucoup de poids en MMA, surtout en Amérique et c'est vrai qu'en 155, il était un peu petit, un peu trop léger pour évoluer à l'UFC et je pense que d'avoir fait la transition d'aller au WEC à 145 livres, c'est un choix sportif très intéressant et je pense qu'il va pouvoir exploiter justement toute cette puissance, toute cette technique qu'il a pu acquérir lors de ses années judo et je pense que ça peut être un combattant très intéressant à 145 livres au WEC. Monsieur Kader, on vous remercie du temps que vous nous avez accordé. On va suivre votre carrière, vos prochains combats, probablement peut-être au mois de décembre, peut-être même deux lors d'une même soirée. Est-ce que ça serait votre première expérience si jamais vous pouvez faire deux combats en une seule soirée? Est-ce que vous avez déjà fait ça précédemment? Non, jamais. Alors au départ, on m'avait parlé d'une pyramide de 8 avec éventuellement trois combats dans la soirée. J'ai trouvé que c'était beaucoup. Alors j'ai préféré dire que moi j'étais plus partant pour une pyramide de 4 parce que c'est vrai que trois combats à la soirée, on ne sait jamais, on peut se blesser même si on gagne, on peut se blesser lors du premier combat et il faut pouvoir enchaîner un deuxième, c'est déjà beaucoup. Alors trois, je trouve que c'est énorme. Mais déjà deux combats ça va être beaucoup, surtout avec au Costa Rica où le climat est humide et chaud. Et l'altitude aussi, donc il va falloir être prêt, donc c'est vrai que je m'entraîne pour ça, mais non, ce sera la première fois que je soumets un tournoi, donc en espérant que ça se passe bien. Ben, on le souhaite pour vous. Est-ce que Sébastien Garguet sera également de la partie au Costa Rica à nouveau? Exactement, partout où je suis, il est là. Oui, puis bon, on espère qu'il va également être avec vous lorsque... si jamais ça s'avère que ça se confirme que vous soyez au Québec plutôt à la MFL à la fin février. Oui, normalement c'est ce qui est prévu, donc je je suis en contact permanent donc avec le promoteur, mais normalement je pense que Sébastien et moi combattrons lors du deuxième événement de ce show d'ailleurs qui a été un très beau show pour leur première réalisation, et donc je serais très fier de faire partie des combattants de la carte. Bien, merci beaucoup, Monsieur Kader. De rien. Merci à vous de m'accorder du temps. Merci, Ferid. Est-ce que c'est possible qu'on puisse